Isis, souvenir de Pompéi, par Gérard de Nerval. Chapitre 1er. Avant l'établissement du chemin de fer de Naples à Resina, une course à Pompéi était tout un voyage. Il fallait une journée pour visiter successivement Herculanum, le Vésuve et Pompéi, situés à 2000 plus loin. Souvent même, on restait sur les lieux jusqu'au lendemain afin de parcourir Pompéi pendant la nuit à la clarté de la lune et de se faire ainsi une illusion complète. Chacun pouvait supposer en effet que, remontant le cours des siècles, il se voyait tout à coup admis à parcourir les rues et les places de la ville endormie. La lune paisible convenait mieux peut-être que l'éclat du soleil à ses ruines, qui n'excite tout d'abord ni l'admiration ni la surprise, et où l'Antiquité se montre, pour ainsi dire, dans un déshabillé modeste. Un des ambassadeurs résidant à Naples donna, il y a quelques années, une fête assez ingénieuse. Muni de toutes les autorisations nécessaires, il fit costumer à l'antique un grand nombre de personnes. Les invités se conformèrent à ses dispositions et pendant un jour et une nuit, l'on essaya diverses représentations des usages de l'antique colonie romaine. On comprend que la science avait dirigé la plupart des détails de la fête. Des chars parcouraient les rues, des marchands peuplaient les boutiques, les collations réunissaient à certaines heures, dans les principales maisons, les diverses compagnies des invités. Là, c'était l'édile Pansa, là, Salluste, là, Julia Félix, l'opulente fille de Scaurus, qui recevait les convives et les admettait à leur foyer. La maison des Vestales avait ses habitantes voilées. Celle des danseuses ne mentait pas aux promesses de ses gracieux attributs. Les deux théâtres offrirent des représentations comiques et tragiques, et sous les colonnades du forum, les citoyens oisifs échangeaient les nouvelles du jour, tandis que dans la basilique ouverte sur la place, on entendait retentir l'aigre voix des avocats ou les imprécations des plaideurs. Des toiles et des tentures complétaient, dans tous les lieux où de tels spectacles étaient offerts, l'effet de décoration que le manque général des toitures aurait pu contrarier. Mais on sait qu'à part ce détail, la conservation de la plupart des édifices est assez complète pour que l'on ait pu prendre grand plaisir à cette tentative palingénésique. Un des spectacles les plus curieux fut la cérémonie qui s'exécuta au coucher du soleil dans cet admirable petit temple d'Isis, qui, par sa parfaite conservation, est peut-être la plus intéressante de toutes ces ruines. Il ne fut pas difficile de retrouver les costumes nécessaires au culte de la bonne et mystérieuse déesse grâce aux deux tableaux antiques du musée de Naples qui représentent le service sacré du matin et le service du soir. Mais la recherche et l'explication des scènes principales qu'il fallut rendre donna lieu à un travail fort curieux dont un savant allemand fut chargé. Le marquis G., directeur de la bibliothèque, a bien voulu me permettre d'extraire les détails suivants du volume manuscrit qui racontait l'établissement et les cérémonies du culte d'Isis à Pompéi. On y trouve aussi de curieuses recherches touchant les formes qu'affecta le culte égyptien lorsqu'il en vint à lutter directement avec la religion naissante du Christ. Chapitre 2e. Après la mort d'Alexandre le Grand, les deux principales religions d'où sont sorties les autres, le culte des astres et celui du feu, dont la plus haute expression fut la doctrine de Zoroastre, et la plus grossière, l'idolâtrie, formèrent ensemble une étrange fusion. Les systèmes religieux de l'Orient et de l'Occident se rencontrèrent à Éphèse, à Antioche, à Alexandrie et à Rome. La nouvelle superstition égyptienne se répandit partout avec une rapidité extraordinaire. Depuis longtemps, les idées et les mythes de la vieille théogonie n'étaient plus à la taille du monde grec et romain. Jupiter et Junon, Apollon et Diane, et tous les autres habitants de l'Olympe pouvaient encore être invoqués et n'avaient pas perdu leur crédit dans l'opinion publique. Leurs autels fumaient à certains jours solennels de l'année. Leurs images étaient portées en grande pompe par les chemins et le temple et le théâtre se remplissaient, les jours de fête, de spectateurs nombreux. Mais ces spectateurs étaient devenus étrangers à toute espèce d'adoration. L'art même, qui se jouait en idéale représentation des dieux, n'était plus qu'un appât raffiné pour les sens. Aussi, le petit nombre de fidèles qui existaient encore avait-il la conviction que la divinité habitait seulement dans les vieilles images de formes roides et sèches appartenant à la théogonie primitive. Cette superstition populaire s'opposa vainement à l'effort des philosophes et des sceptiques moqueurs. Les lois divines et humaines, et ce que les simples aïeux avaient considéré comme le type de la sainteté, furent conspués et foulés aux pieds. Mais dans cet état de décomposition générale, l'âme humaine ne sentit que mieux le vide immense qu'elle s'était fait, et un désir secret de rétablir quelque chose de divin, d'inexprimable. Un besoin semblable fut ressenti à la fois par des milliers d'esprits blasés, et ce vieil adage reçut une nouvelle confirmation que là où l'incrédulité règne, la superstition s'est déjà ouvert une porte. Le judaïsme parut à beaucoup de personnes de nature à combler ce vide douloureux. On sait avec quelle rapidité le culte mosaïque conquit alors des sectateurs, non seulement dans tout l'Empire romain, mais au-delà même de ses frontières. Pourtant, le dogme de Jéhovah n'admettait pas d'image, et il fallait à l'adoration matérialiste de cette époque des formes palpables et parlantes. Alors, l'Égypte, la mère et la conservatrice de toutes les imaginations et aussi de toutes les extravagances religieuses, offrit une satisfaction aux besoins de l'âme et des sens. Sérapis et Isis vinrent en aide, l'un aux corps souffrants, l'autre aux âmes languissantes. Jupiter Sérapis, avec la corbeille de fruits sur sa tête majestueuse et rayonnante, déposséda bientôt, à Rome et dans la Grèce, le Jupiter olympien et capitolin armé de la foudre. Le vieux Jupiter n'était bon qu'à tonner, et ses éclats teignaient souvent ses temples et l'arbre qui lui était consacré. Le dieu égyptien, héritier des mystères et des traditions primitives de l'ancien culte d'Apis et d'Osiris, et toute la magnificence de l'Olympe grec, ne tenait pas vainement dans sa main la clé du Nil et du royaume des ombres. Il pouvait guérir les mortels de tous les maux dont ils sont affligés. Dans une plus large mesure, ce nouveau sauveur alexandrin opérait ces cures merveilleuses qu'autrefois Esculape, le dompteur de la douleur, avait faites à Épidaure. Presque tous les grands ports de mer de l'Italie eurent des sarapéons, ainsi nommait-on les temples, et les hôpitaux du dieu guérisseur, avec des vestibules et des colonnades, où un grand nombre de chambres et de salles de bain étaient préparées pour les malades. Ces sarapéons étaient les lazarets et les maisons de santé de l'ancien monde. Sans doute, il y avait là des remèdes naturels, et avant tout, ceux des bains et du massage, combinés avec le magnétisme, le somnambulisme et autres pratiques dont les prêtres possédaient et se transmettaient le secret. Mais cela était fondé sur une profonde connaissance des hommes d'alors, et de cet empirisme sortit bientôt une remarquable et puissante médecine physique. La merveilleuse puissance du dieu nous est attestée par les ruines de son temple à Pouzzole. C'est à 3 lieues de Naples, sur la côte de Campanie. Maintenant encore, 3 gigantesques colonnes, toutes ravagées qu'elles sont par les plantes grimpantes, du sein d'un monceau de ruines, proclament l'antique renommée du dieu qui, dans ce populeux port de mer sous le nom de Sérapis d'Uzar, donnait refuge et guérison. Une magnifique colonnade qui, dans les temps modernes, a été appropriée au palais de Kasri, entourait les salles et les galeries. On y trouvait un grand nombre de chambres de malades et d'étuves entre les logements des prêtres et des gardiens. Le long du rivage, depuis le voluptueux golfe de Neptuno jusqu'au souterrain de Trivergola, il y avait une série de lieux d'asile et de guérison sous la protection du Père universel Sérapis. Chapitre 3e. Mais si puissant et si séduisant que fut le culte régénéré d'Isis pour les hommes énervés de cette époque, il agissait principalement sur les femmes. Tout ce que les étranges cérémonies et mystères des Kabyres et des dieux d'Eleusis de la Grèce, tout ce que les bacchanales de l'Hyperpater et de l'Hébron de la Campanie et de la Grande Grèce, tout ce que même la fête de la bonne déesse de Rome avait offert séparément à la passion du merveilleux et à la superstition même, se trouvait par un religieux artifice rassemblé dans le culte secret de la déesse égyptienne comme en un canal souterrain qui reçoit les eaux d'une foule d'affluents. Outre les fêtes particulières mensuelles et les grandes solennités, il y avait 2 fois par jour assemblées et offices publics pour les croyants des 2 sexes. Dès la première heure du jour, la déesse était sur pied, et celui qui voulait mériter ses grâces particulières devait se présenter à son lever pour la prière du matin. Le temple était ouvert avec grande pompe. Le grand prêtre sortait du sanctuaire accompagné de ses ministres. L'encens haut de rang fumait sur l'autel. De doux sons de flûte se faisaient entendre. Cependant, la communauté s'était partagée en 2 rangs, dans le vestibule, jusqu'au 1er degré du temple. La voix du prêtre invite à la prière, une sorte de litanie et psalmodiée. Puis, on entend retentir dans les mains de quelques adorateurs les sons éclatants du sistre d'Isis. Souvent, une partie de l'histoire de la déesse est représentée au moyen de pantomimes et de danses symboliques. Les éléments de son culte sont présentés avec des invocations au peuple agenouillé, qui chantent ou qui murmurent toutes sortes d'oraisons. Mais si l'on avait, au lever du soleil, célébré les matines de la déesse, on ne devait pas négliger de lui offrir ses salutations du soir et de lui souhaiter une nuit heureuse, formule particulière, qui constituait une des parties importantes de la liturgie. On commençait par annoncer à la déesse elle-même l'heure du soir. Les anciens ne possédaient pas, il est vrai, la commodité de l'horloge sonnante, ni même de l'horloge muette, mais ils suppléaient, autant qu'ils le pouvaient, à nos machines d'acier et de cuivre par des machines vivantes, par des esclaves chargés de crier à l'heure d'après la clepsydre et le cadran solaire. Il y avait même des hommes qui, rien qu'à la grandeur de leur ombre, qu'ils savaient estimer à vue d'œil, pouvaient dire l'heure exacte du jour ou du soir. Cet usage de crier les déterminations du temps était également admis dans les temples. Il y avait à Rome des gens pieux qui remplissaient auprès de Jupiter capitolin ce singulier office de lui dire les heures. Mais cette coutume était principalement observée aux matines et aux vêpres de la grande Isis, et c'est de cela que dépendait l'ordonnance de la liturgie quotidienne. Chapitre 4e. Cela se faisait dans l'après-midi, au moment de la fermeture solennelle du temple, vers 4 heures, selon la division moderne du temps, ou selon la division antique, après la 8e heure du jour. C'était ce que l'on pourrait appeler le petit coucher de la déesse. De tout temps, les dieux surent se conformer aux us et coutumes des hommes. Sur son Olympe, le Zeus d'Homère mène l'existence patriarcale avec ses femmes, ses fils et ses filles, et vit absolument comme Priam et Arsinous au pays troyen et phéacien. Il fallut également que les deux grandes divinités du Nil, Isis et Sérapis, du moment qu'elles s'établirent à Rome et sur les rivages d'Italie, s'accommodassent à la manière de vivre des Romains. Même du temps des derniers empereurs, on se levait de bon matin à Rome, et vers la 1ère ou la 2ème heure du jour, tout était en mouvement sur les places, dans les cours de justice et sur les marchés. Mais ensuite, vers la 8ème heure de la journée, ou la 4ème de l'après-midi, toute activité avait cessé. De la vie publique et à ciel ouvert, on passait au repos domestique, au bain et au repas. Car la 8ème heure était alors, on le sait, le moment du dîner, non seulement à Rome, mais dans tout l'Ancien Monde. De là vient qu'à ce moment tous les temples étaient fermés. Plus tard, la mère Isis, dans un office solennel du soir, était une dernière fois glorifiée, adorée et honorée des sons redoublés du sistre d'or. Les autres parties de la liturgie étaient la plupart de celles qui s'exécutaient aux matines, avec cette différence toutefois que les litanies et les hymnes étaient entonnées et chantées au bruit des sistres, des flûtes et des trompettes, par un psalmiste ou préchantre qui, dans l'ordre des prêtres, remplissait les fonctions d'hymnode. Au moment le plus solennel, le grand prêtre, debout sur le dernier degré, devant le tabernacle, accosté à droite et à gauche de deux diacres ou pastophores, élevait le principal élément du culte, le symbole du Nil fertilisateur, l'eau bénite, et la présentait à la fervente adoration des fidèles. La cérémonie se terminait par la formule de congé ordinaire. Les idées superstitieuses attachées à de certains jours, les ablutions, les jeûnes, les expiations, les macérations et les mortifications de la chair, étaient le prélude de la consécration à la plus sainte des déesses de 1000 qualités et vertus, auxquelles hommes et femmes, après maintes épreuves et 1000 sacrifices, s'élevaient par 3 degrés. Toutefois, l'introduction de ces mystères ouvrit la porte à quelques déportements. À la faveur des préparations et des épreuves, qui souvent durait un grand nombre de jours, et qu'aucun époux n'osait refuser à sa femme, aucun amant à sa maîtresse, dans la crainte du fouet d'Osiris ou des vipères d'Isis, se donnait dans les sanctuaires des rendez-vous équivoques, recouverts par les voiles impénétrables de l'initiation. Mais ce sont là des excès communs à tous les cultes dans leurs époques de décadence. Les mêmes accusations furent adressées aux pratiques mystérieuses et aux agapes des premiers chrétiens. L'idée d'une terre sainte, où devait se rattacher pour tous les peuples le souvenir des traditions premières et une sorte d'adoration filiale, d'une eau sainte propre aux consécrations et purification des fidèles, présente des rapports plus nobles à étudier entre ces deux cultes dont l'un a, pour ainsi dire, servi de transition vers l'autre. Toute eau était douce pour l'Égyptien, mais surtout celle qui avait été puisée au fleuve, émanation d'Osiris. À la fête annuelle d'Osiris retrouvée, où après de longues lamentations, on criait « Nous l'avons trouvée et nous nous réjouissons tous !» Tout le monde se jetait à terre devant la cruche remplie d'eau du Nil, nouvellement puisée, que portait le grand prêtre. On levait les mains vers le ciel, exaltant le miracle de la miséricorde divine. La sainte eau du Nil, conservée dans la cruche sacrée, était aussi à la fête d'Isis le plus vivant symbole du père des vivants et des morts. Isis ne pouvait être honoré sans Osiris. Le fidèle croyait même à la présence réelle d'Osiris dans l'eau du Nil, et à chaque bénédiction du soir et du matin, le grand prêtre montrait au peuple l'Indria, la sainte cruche, et l'offrait à son adoration. On ne négligeait rien pour pénétrer profondément l'esprit des spectateurs du caractère de cette divine transsubstantiation. Le prophète lui-même, quelque grande que fût la sainteté de ce personnage, ne pouvait saisir avec ses mains nues le vase dans lequel s'opérait le divin mystère. Il portait sur son étole, de la plus fine toile, une sorte de pèlerine, piviale, également de lin ou de mousseline, qui lui couvrait les épaules et les bras, et dans laquelle il enveloppait son bras et sa main. Ainsi ajusté, il prenait le saint vase, qu'il portait ensuite au rapport de saint Clément d'Alexandrie, serré contre son sein. D'ailleurs, quelle était la vertu que le Nil ne posséda pas aux yeux du pieux égyptien? On en parlait partout comme d'une source de guérison et de miracles. Il y avait des bases où son eau se conservait plusieurs années. « J'ai dans ma cave de l'eau de Nil de 4 ans », disait avec orgueil le marchand égyptien à l'habitant de Byzance ou de Naples, qui vantait son vieux vin de Palerme ou de Chios. Même après la mort, sous ses bandelettes et dans sa condition de momie, l'Égyptien espérait qu'Osiris lui permettrait encore d'étancher sa soif avec son onde vénérée. « Osiris te donne de l'eau fraîche », disaient les épitaphes des morts. C'est pour cela que les momies portaient une coupe peinte sur la poitrine. Chapitre 5e. À la droite du prophète qui portait l'Indria, l'Hydrophoros, se tenait une femme. Chapitre 5e. À la droite du prophète qui portait l'Indria, Hydrophoros, se tenait une femme représentant, par les attributs et par le costume, la déesse Isis elle-même. Isis devait toujours, en effet, partager les hommages rendus à Osiris. Elle ne portait pas les cheveux ras comme le reste du clergé, mais les avait, au contraire, longs et bouclés. Une chose également très caractéristique pour la représentation d'Isis, c'est ce que la prêtresse tenait dans les mains. De la droite, elle soulevait ce fameux instrument que les Grecs nommaient sistron et les Égyptiens kemkem. La tristesse à l'occasion de la mort d'Osiris et la joie lorsqu'il était retrouvé, tels étaient les principaux points de la religion égyptienne dans la période qui suivit la conquête des Perses. Pour toutes les litanies de tristesse et de joie qui étaient chantées lors de ces grandes fêtes, c'était le sistre d'Isis qui marquait la mesure. Un sistre bien fait devait, en mémoire des 4 éléments, avoir 4 petits bâtons. On peut croire que jamais le sistre ne s'agitait sans rappeler le souvenir de la mort et de la résurrection d'Osiris. De la main gauche, la prêtresse tenait un arrosoir par lequel on voulait signifier la fécondité que le Nil procurait à la terre. Isis y puisait de l'eau pour les besoins du culte et aussi pour la fécondation du sol. Car, si Osiris est la force des eaux, Isis est la force de la terre et passe pour le principe de la fertilité. Le prêtre qui chantait les hymnes et les prières, ou préchantre, jouissait d'une estime particulière. Il se tenait sur le degré inférieur du temple, au milieu de la double rangée du peuple, et dirigeait l'ensemble au moyen d'un bâton en forme de sceptre. Les Grecs nommaient ce liturge, ou maître de la chapelle du culte d'Isis, le chanteur ou le chanteur d'hymne, odos, hymnodos. Il rappelle les rhapsodes et rhapsodes qui chantaient un bâton de laurier à la main. Apulée parle en plusieurs endroits des flûtes et cornets qui, dans les cérémonies d'Isis et d'Osiris, par des modulations lamentables ou joyeuses, mettaient les assistants dans des dispositions d'esprit convenables. Cette musique promenait d'une sorte de flûte dont on attribuait l'invention à Osiris. Un autre personnage qui terminait la rangée des fidèles de l'autre côté et dont le costume s'accordait parfaitement avec celui des prêtres d'Isis d'un ordre inférieur, avait la tête tondue et portait le tablier autour des reins. Mais il tenait dans la main un des plus énigmatiques symboles égyptiens, la croix en C, Crux Ansata, dont le savant Donou a trouvé tout un soubassement couvert dans un temple de filets. Il va sans dire qu'ici aucune victime sanglante n'était immolée, et que jamais la flamme de l'autel ne consumait des chairs palpitantes. Isis, le principe de la vie et la mère de tous les êtres vivants, dédaignait les sacrifices sanglants. De l'eau du fleuve sacré ou du lait était seulement répandu pour elle. Pour elle brûlait aussi de l'encens et d'autres parfums. Dans le temple, tout était significatif et caractéristique. Le nombre impair des degrés sur lesquels la chapelle est élevée avait aussi un sens mystique. En général,